pur jamais tendresse trop fatale que le barbare amour que j'avais cru si doux se change dans mon cœur en furie infernale. Depuis mortel transport jaloux, je m'abandonne à vous. Inventons quelque peine affreuse et sans égale. Préparons avec soin nos plus funestes coups. Ah, si l'ingrat que j'aime échappe à mon courroux,